إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، فلا زال الحديث متواصلا عن الوهابية. Chers frères, on Allah Azza wa Jal, c'est notre deuxième rencontre autour du sujet de l'Wahhabiyya et le Wahhabisme. فالأسباب والدوافع التي أدت إلى عداء ومناهضة دعوة محمد بن عبد الوهاب السلفية الإصلاحية، من أهمها parmi les causes et parmi les principales causes qui ont poussé les ennemis de la دعوة ديال السلف رضوان الله عليهم ودول دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه à dénigrer cette دعوة. Parmi ces causes il y a en premier لعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى تشنيع الخصوم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثناء ظهور الدعوة السلفية تأليفا وواقعا هو ما كان عليه أولئك الخصوم وكثير من المنتسبين إلى الإسلام من الضلال والغي والبعد عن الصراط المستقيم. فتدخل إن دي principal cause qui a amené les ennemis de محمد بن عبد الوهاب à le dénigrer, à dénigrer sa da'wa, cette da'wa du puiser رضوان الله عليهم, c'est la voie sur laquelle étaient ses ennemis et la voie sur laquelle étaient beaucoup de musulmans, ce qui est une voie de l'égarement, qui est une voie qui est loin de la rectitude, de la voie droite, de la voie du prophète alayhi salam, de ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. ولقد وصل حال كثير من المسلمين قبيل ظهور دعوة الشيخ الإمام إلى حط الدركات في الضلال وفساد الاعتقاد، حيث عم الجهل وطغى فعبد فعبد غالب المسلمين ربهم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، فظهرت البدع والشركيات بمختلف أنواعها، وصارت هذه الأمور الشركية والمحدثات البدعية من العوائد والمألوفات التي هرم عليها الكبير وشب عليها الصغير، فانعكست الموازن وانقلبت الحقائق وأصبح الحق باطلا والباطل حقا. Et la situation de beaucoup de musulmans avant l'apparition de la da'wah de Mohammed ibn Abdelwahab était au plus bas degré de l'égarement et au plus bas degré dans l'égarement. Et ils avaient des fausses croyances. L'ignorance était monnaie courante. L'ignorance était propagée dans la grande masse de la communauté de l'islam à cette époque. Et une grande majorité de musulmans ont adoré leur Seigneur sans science, ils sont guidés, ils sont preuve. Les innovations ont fait leur apparition, ainsi que l'associationnisme dans ses différentes formes. Et l'associationnisme et les innovations sont devenus quelque chose d'habituel aux gens. Ils ont été aimés par les gens à tel point que le grand a vieilli sur ces innovations et cet associationnisme, et le petit grandit avec. Et les situations se sont renversées. La vérité est devenue le faux, et le faux est devenu la vérité. والسبب الثاني وهناك سبب ثاني لهذا التحامل والمعادة للدعوة السلفية وهو ما ألصق بهذه الدعوة ومجددها وأنصارها من التهم الباطلة والأكاذيب والمفتريات. فقد أصاب هذه الدعوة منذ بدء ظهورها حملة مكثفة شنيعة عمت البلاد والعباد، فلقد ألصق بعض أدعياء العلم في هذه الدعوة السلفية ما ليس منها، فزعموا أنها مذهب خامس وأنهم خوارج يستحلون دماء وأموال المسلمين، وأن صاحبها يدعي النبوة وينتقد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر تلك المفتريات. Une deuxième cause a poussé que les gens soient les ennemis de cette da'wa des puiseurs d'Allah alayhim, c'est les étiquettes qu'on a collées à cette da'wa et les étiquettes qu'on a collées sur le dos de Mohammed ibn Abdul Wahhab et de ses alliés. On les a accusés avec des fausses accusations, avec des mensonges. On a propagé des mensonges sur eux. Dès le début de l'apparition de la da'wa de Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y a eu une grande propagande contre cette da'wa. Et des fausses rumeurs qui se propageaient contre cette da'wa qui ont traversé le pays, hein, et qui sont arrivées dans l'esprit de beaucoup de serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et on a attribué à certains qui prétendent la science, ont attribué à cette da'wa des puiseurs d'Allah alayhim les choses de laquelle cette da'wa est innocente. Ils ont prétendu que la voix de Mohammed ibn Abdul Wahhab est un cinquième madhhab et que les disciples de Mohammed ibn Abdul Wahhab sont des khawarij et qu'ils rendent licite le sang des croyants ainsi que leur argent, et que le Mohammed ibn Abdul Wahhab prétendait qu'il était prophète et qu'il critiquait le Mohammed alayhi salatu salam, et encore et d'autres choses qu'ils ont inventées sur cette da'wa. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salamata wa al-afiya. Wa mimma yusafu lahu أن الكثير من العوام يتلقف هذا الإفك والبهتان عن أولئك المفترين والوضاعين دون أدنى تثبت أو تحر في النقل، بل عمدته في ذلك مجرد التقليد الأعمى، فما أشبه الليلة بالبارحة. Et ce qui est regrettable, c'est beaucoup de communs de musulmans acceptent ce qu'on propage facilement, hein, et ils acceptent le mensonge qu'on propage sans aller chercher si c'est une vérité ou pas. Ils le propagent. Leur seul point d'appui, c'est tout simplement l'imitation aveugle. Et combien ressemble la soirée d'hier à celle d'aujourd'hui? Regardez autour de vous. Comment on fait peur à vos darons? On va les voir. L'imam de la mosquée va les voir et les responsables des mosquées vont les voir. Et attention, vos enfants sont devenus des wahhabites. Attention, vos enfants sont devenus des terroristes. Attention, vos enfants sont devenus des khawarij. Parce que c'est ce qui est propagé dans les médias et c'est ce qui se propage entre eux, les groupes égarés de cette communauté. Donc la situation n'a pas changé. C'est les mêmes armes qu'on utilise pour combattre la voix du puiseur d'Allah alayhim. ومما يجدر ذكر ها هنا أن بعض الخصوم قد استغل ما وقع فيه شرذمة من الأعراب المتحمسين وفي فترة محدودة ممن تابع هذه الدعوة من التشدد والجفاء فحكموا بغيا وعدوانا على جميع أتباع هذه الدعوة وعلى مر الأزمان بهذا الحكم الجائر فرموهم أيضا بالتشدد والجفاء. Et ce qui est bon de rappeler ici, c'est que les ennemis de cette da'wa ont profité de certains actes marginaux de certains bédouins qui étaient enthousiastes, etc., à une certaine époque bien limitée, qui ont suivi cette da'wa, et ils étaient sévères dans la da'wa, et ils ont propagé leur jugement sur tous les disciples de cette da'wa, à travers tous les siècles qui sont passés. Ils ont émis cette sentence injuste sur tous ceux qui suivent la voie du puiseur d'Allah alayhim, ils les ont traités comme quoi ils sont des extrémistes, comme quoi ils sont durs, comme quoi ils sont des terroristes, etc. Et ce sont les mêmes arguments qu'on utilise maintenant. Des fois, il a un jeune, par erreur, ou là par enthousiasme, ou là par sentiment, il agit mal. Après, on attribue tout ça à la voie du puiseur d'Allah alayhim. On l'attribue à au salafiyoun. Vous voyez que tout se ressemble. C'est les mêmes tactiques, c'est les mêmes accusations, c'est les mêmes termes qui sont utilisés hier et aujourd'hui. C'est la même chose. وهناك سبب ثالث أدى إلى عداء الدعوة السلفية هو النزاعات السياسية والحروب التي قامت بين أتباع هذه الدعوة وبين الأتراك من جهة وبين أتباع هذه الدعوة والأشراف من جهة أخرى. Il y a une troisième cause qui à l'origine aussi de la guerre qui a été faite à cette da'wa salafia. Ce sont les tendances politiques et les guerres qu'il y a eu entre eux, ceux qui suivent cette voie et les Turcs qui gouvernaient à cette époque, d'une part, et aussi les disciples de cette dawa et les nobles qui vivaient à cette époque et qui avaient aussi le pouvoir, qui avaient aussi la main mise sur les caisses des tombes, des vertueux, etc. D'autre part, يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله إن سبب قذف الوهابية بالابتداع والكفر سياسي محض كان لتنفير المسلمين منهم لاستيلائهم على الحجاز وخوف الترك من أن يقيموا دولة عربية ولذلك كان الناس يهيجون عليهم تبعا لسخط الدولة ويسكتون عنهم إذا سكنت ريح السياسة. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله disait que la cause d'avoir traité le wahhabisme, que c'était un mouvement innové et que c'est et de l'avoir traité d'être et d'avoir traité le les wahhabites comme des khawarij, etc. Tout ça, sa cause et de les avoir traités même des fois de mécréants, tout ça, c'est une tout ça, sa cause, c'est une cause politique pure, pour éloigner les gens d'eux. Parce que ils se sont, parce que la da'wa d'Yel Salaf, à la tête de laquelle était Mohamed ibn Abdelwahab, et un certain émir, rahimahullah jami'an, a déjà occupé le Hijaz. Et les Turcs ont peur qu'ils accomplissent un pays arabe, qu'il y ait un État arabe. C'est pour ça que ils poussent les gens à se révolter contre eux, Mohamed ibn Abdelwahab, et à dénigrer la voix de Mohamed ibn Abdelwahab, etc. Et quand les choses se calment, quand le vent de la politique se calme, ben bien sûr, le commun se calme aussi. Et donc, on voit aussi que là, une des troisièmes causes, il est politique, tout simplement. Il est politique, et en plus, il y a, on sent la race qui rentre dedans. Les Turcs qui n'ont pas envie qu'un État arabe soit installé à côté d'eux. ويوضح الشيخ محمد رشيد رضا آثار العداء السياسي بين بعض كبار أهل مكة وساستها وأنصار هذه الدعوة فكان مما أشار إلى أن هؤلاء قد أصدروا عدة منشورات في جريدة القبلة سنة 1336 هجرية وسنة 1337 هجرية تضمنت رمي الوهابيين بالكفر وقذفهم بتكفير أهل السن والطعن برسول الله وغير ذلك من الأكاذيب والافتراءات. Et Cheikh Mohamed Rachid Rida, rahmatullah alayhi, nous éclaire encore sur l'impact de cette adversité politique qui est entre les grands de la Mecque et ceux qui gouvernent la Mecque et les alliés de cette da'wa, de la da'wa de Mohamed ibn Abdelwahab. Et parmi les choses sur lesquelles il attire l'attention, il dit que ils ont émis un fascicule, un exposé dans le journal Qibla, en l'an 1336 de l'Hégire et en l'an 1337 de l'Hégire, dans laquelle ils traitent le wahhabisme de mécréants. Et ils les traitent aussi, ils disent d'eux, comme quoi ils rendent mécréants les gens de la sunna et qu'ils critiquent le prophète alayhi salam et d'autres mensonges qu'ils ont inventés sur les disciples d'Yel, Mohamed ibn Abdelwahab et ceux qui suivent la voie des puisers d'Allah alayhi. وكان بعض أهل دمشق وبيروت يتقربون إلى هؤلاء الكبار وهم من العلمانيين والقوميين بطبع الرسائل في تكفيرهم ورميهم بالأكاذيب ثم سرى ذلك إلى مصر وظهر له أثر في بعض الجرائد. Et certains habitants de Damas et de Beyrouth se rapprochaient de ces nobles qui gouvernaient la Mecque, et ce sont des laïcs et des nationalistes, et des qui appellent à la race arabe, etc. Ils se rapprochaient de ces gouverneurs de la Mecque en éditant des fascicules dans lesquels ils traitent le wahhabisme de mécréants et ils inventent des mensonges chez eux. Et ceci a été propagé aussi en Égypte. Et son impact est apparu dans certains journaux, par-ci, par-là. رابعا، وهناك سبب رابع أدى إلى تراكم المؤلفات المعادية للدعوة السلفية، وهو دفاع هؤلاء الخصوم وبالأخص الصوفية والرافضة عن معتقداتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة. فإنه لما غلب على حال كثير من المسلمين ظهور الشركيات وانتشار البدع واستفحال الخرافات والغلو في الأموات والاستغاثة بهم وظهور تشييد المشاهد وإقامات المزارات على القبور وزخرفتها وتزيينها وصرف الأموال الطائلة عليه، قامت ضد ذلك كله دعوة الشيخ رحمة الله عليه. يعني كاتخيام بوان، كاتخيام كوز امبورتونت كي يبوسي كي يبوكو دي كري qui sont contre la da'wa d'Yel Salaf, c'est que ces ennemis de cette da'wa défendu leur gain, et surtout les soufites, hein, et surtout les rawafid. Ils défendaient leurs croyances nulles et non avenantes, et leur opinion, et leur fausse opinion, parce que c'est propagé dans les musulmans l'associationnisme, c'est propagé chez les musulmans les innovations, le khurafat, les histoires à dormir debout sont monnaie courante. Le fait d'aller dans les extrêmes au niveau des morts et de demander secours aux morts, l'apparition des constructions des mausolées et des tombes, et faire des fêtes autour, accomplir des rites autour, et les embellir, et dépenser beaucoup d'argent dans tout ça, Mohamed ibn Abdelwahab, la da'wa de Mohamed ibn Abdelwahab, s'est opposé à tout ça, dans ce qui a amené les sophites, les rafidites, et tous ceux qui profitent des caisses qu'il y a dans les tombes, de réagir et de sortir leurs dents contre cette da'wa et de critiquer cette da'wa et d'inventer des mensonges sur cette da'wa et de dire n'importe quoi sur la da'wa de Mohammed ibn Abdelwahab et de ses disciples. Et les choses se répètent. Regardez autour de nous la même chose maintenant. وَلَقَدْ وَجَدَهَا أُولَاءِ الْمُتَصَوِّفَةِ وَالرَّافِدَ فِي هَذَا الْوَاقِعِ مَرْتَعًا خَصْبًا لِبُثِّ سُمُومِهِمُ الْعَقَدِيَةِ. فلما بدت أنوار هذه الدعوة تكشف غياهب الظلام وتزيل أذران الشرك ونجاساته وتدعو الناس إلى تحقيق التوحيد بصفائه ونقائه، أدرك الخصوم أن ظهور هذه الدعوة السلفية نذير بزوال عقائدهم الباطلة، فحشد أولئك الخصوم قواهم وانبروا في التشنيع بهذه الدعوة وأنصارها، وهم أثناء تشنيعهم يذكرون معتقدهم الصوفي أو الرافضي وغيرهما ويزينونه للناس ويزعمون أنه الحق. صوفي et ces rafidis ont trouvé dans ce vécu un terrain fertile pour injecter leur venin au niveau des croyances. Et quand les lumières de cette da'wa a commencé à dissiper le nuage et les ambiguïtés et les ténèbres, et ont commencé à enlever les impuretés de l'associationnisme, et cette da'wa a commencé à appeler les gens vers l'accomplissement de l'unicité et de la pureté de l'unicité, ses ennemis ont compris qu'avec l'apparition de da'wa d'Yel Salaf radouallahu alayhim, que ceci va anéantir leur dogme nul. Et ils ont réuni leurs alliés. Ils ont réuni leurs forces. Ils se sont mis à attaquer cette da'wa, et à attaquer les alliés de cette da'wa, et à propager tout le faux qu'ils peuvent, avec toutes leurs forces, contre cette da'wa. Et en même temps, par la même occasion, ils propageaient leur dogme. Que ce soit le dogme soufite, le dogme rafidite et autres, ils l'embellissent aux gens, ils disent, ils prétendent que ça c'est la vérité. فنجد هؤلاء الصوفية أثناء ردهم على الدعوة السلفية يتبجحون بصوفيتهم ويفتخرون بانتسابهم إلى الطرق الصوفية ويدافعون عن التصوف وادعيائه، فما أشبه الليلة بالبارحة. Nous trouvons que ces soufites, quand ils répliquent, quand ils critiquent cette da'wa d'Yel Salaf, رضي الله عليهم, ils s'enorgueillent de leur sophisme. Ils le montrent. Ils sont fiers d'appartenir à une voie d'El Sophia. Ils défendent leur sophisme et ceux qui sont sophites comme eux. Et combien ressemble la soirée d'hier à celle d'aujourd'hui? Regardez autour de vous. والرافضة أثناء مناهضتهم للدعوة السلفية يدافعون بكل ما عرف عنهم من كذب وقلب للحقائق عن معتقدهم. الرافضة كنت ils faisaient la guerre à la da'wa de Buzayl radhiyallahu anhu en même temps, et on sait que le Rawafid c'est des grands menteurs, Ils mettaient tout ce qui est dans leur possible. Ils créaient tous les mensonges possibles et inimaginables pour renverser la vérité et pour défendre leurs croyances. ونوضح ذلك بما حدث منهم لما كتب علماء المدينة النبوية سنة 1344 للهجرة الفتوى حول تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وأجابوا بالحق الذي تعضده الأذلة فلما ظهرت هذه الفتوى وتم العمل بموجبها وأوزلت القباب والأبنية على القبور عندئذ قام علماء الرافضة وضجوا وسودوا الصحائف والأوراق في الطعن على هذه الفتوى والنعي للمسلمين على زوال تلك القباب والمزارات. Et un éclaircissement va nous venir directement de ce qu'ont écrit les hommes de science à Médine en l'an 1344 de l'Hégire. Ils ont émis une fatwa, un verdict, comme quoi il est interdit de construire des tombes et de les prendre comme mosquées. D'élever les tombes et de les prendre comme mosquées. Et ils ont répondu avec une réponse véridique qui est accompagnée de preuves et qui va de pair avec les preuves. Quand cette fatwa est apparue et que les gens l'ont mis en application et qu'on a démoli les mausolées et qu'on a anéanti, on a rabaissé les tombes, les amis, au pied du sol, dans ces cas-là, les savants d'Yarrawafid, ils ont crié très fort et ils n'ont pas arrêté d'écrire dans les journaux et d'écrire des manuscrits et de les distribuer pour critiquer cette fatwa et pour faire des condoléances aux musulmans pour cette tombe qui vient d'être démolie. هذه بعض الأسباب الظاهرة لشدة عداوة الخصوم للدعوة السلفية أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكثرة المؤلفات المناوئة لهذه الدعوة الصادقة الحقة. Ce sont quelques causes apparentes à cette grande animosité, cette grande adversité contre la da'wa d'Yal l'épuisé, radouallah alayhim, pendant les jours, pendant la vie du Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab. Et il y a eu beaucoup de livres qui ont apparu pour défendre, pour d'abord attaquer cette da'wa. Il y a aussi des livres qui sont apparus pour défendre cette da'wa véridique. Amma bin nisbati ila tasmiyati da'wa du Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayhi, bil wahhabiyya. فإن الكثير من الخصوم أطلقوا هذا اللقب على أتباع الدولة السلفية ويريدون بذلك توهيم الناس أن الوهابية مذهب جديد أو مستقل عن سائر المذاهب الإسلامية لذا فإن الحصل التحاشي من هذا اللقب واجتناب ذكره كنت لابلاسيون كنت هاد لزنمي دو سيد دعواء وابلي لدعواء محمد بن عبد الوهاب اللون أبلي الوهابية ولا الوهابيسم. Ah, parce que il voulait avec ça illusionner les gens et faire croire aux gens que le Wahhabiya est un nouveau madhhab, est un madhhab indépendant et qu'il est indépendant par rapport aux autres quatre madhhabs connus déjà. Et à l'origine, il ne faut pas employer ce terme le Wahhabiya, il faut éviter de l'employer. ومن معاملة الله لهم أي خصوم هذه الدعوة بنقيض قصدهم أنهم قصدوا بلقب الوهابية ذمهم وأنهم مبتدعة ولا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم كما زعموا فلقد صار هذا اللقب الآن بحمد الله علما على كل من يدعو إلى الكتاب والسنة ولا الأخذ بالدليل ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة البدع والخرافات والتمسك بمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. الله سبحانه وتعالى pour accompagner ses ennemis de cette da'wa. Et ce qui est arrivé, c'est le contraire de ce que voulaient ces ennemis de cette da'wa. Ce terme, le wahhabiya, qu'ils ont employé pour dénigrer la voix de ne plus être, pour les traiter comme quoi ils sont innovateurs, comme quoi ils n'aiment pas le prophète, comme ils le prétendent, ce terme, alhamdoulilah, est devenu l'emblème de ceux qui appelle vers le livre d'Allah Azza wa Jalla, l'authentique de la sunna du prophète, qui appelle à prendre la preuve et qui appelle à ordonner le bien et à blâmer le mal et à combattre l'innovation et les mythes et qui appelle à se cramponner à la voix du puiseur d'Allah Alayhi. Wa laqad ulsiqat bi da'wati Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab, rahmatullahi alayhi, muftarayat kathira. وصدقها كثير من الناس، حتى شوهت هذه الدعوة شوهت هذه الدعوة المباركة، فأصبح معنى الوهاب عند الناس الجهلة أنه يكره الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مذهب خامس، وأنه ينكر كرامات الأولياء، وأنه يكفر المسلمين ويستبيح دماءهم وغير ذلك من المفتريات، وأنه متشدد، وأنه وأنه وأنه. Et on a collé beaucoup de choses à la da'wah de Mohamed ibn Abdullah, rahmatullah alayh. Beaucoup de mensonges, beaucoup de fausses étiquettes. Et beaucoup de gens ont pris comme véridiques ces étiquettes qu'on a collées. À tel point qu'ils ont dénigré cette da'wah bénite. Et le terme wahhabi devenu chez les ignorants, c'est quelqu'un qui déteste le prophète alayhi salatu wassalam. C'est quelqu'un qui appartient à une cinquième voie, à un cinquième dhab. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas les choses extraordinaires avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala comble ses alliés, l'awliya. C'est quelqu'un qui rend mécréant les musulmans et c'est quelqu'un qui rend licite le sang des musulmans et pas et d'autres mensonges. Et c'est quelqu'un qui est sévère, c'est quelqu'un qui est extrémiste, c'est quelqu'un qui est terroriste, etc. etc. وهنا بعد الفريات والرد عليها. الفرية الأولى الافتراء على الشيخ بأنه ينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكرهه أو لا يحب الصلاة عليه. قل إن الكتب التي بين أيدينا من مؤلفات هذا العالم تثبت أن هذا افتراء مبين على الشيخ رحمة الله عليه، بل هو من أكثر الناس في عصره تعظيما وحبا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ في أحد كتبه التي أرسلها إلى عبد الرحمن السويدي أحد علماء العراق مجيبا عن هذه الافتراءات: يا عجبا، كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ Voici certaines ambiguïtés, certains mensonges qu'on a collé à Cheikh Rahmatullah alayh. Le premier mensonge, je dis que Cheikh n'aime pas le prophète alayhi salatu wasalam, déteste le prophète alayhi salatu wasalam, dénigre le prophète alayhi salatu wasalam et n'aime pas la prière sur le prophète alayhi salatu wasalam. Et ceci, c'est un mensonge. Quand on regarde les livres qu'on a en face de nous, parmi les livres qu'a écrit cet homme, on voit que ça, c'est un grand mensonge. Il a un livre sur la biographie du prophète alayhi salatu wasalam. Et il fait partie des gens de son époque qui faisaient beaucoup de prières sur le prophète alayhi salatu wasalam, qui aimait le prophète alayhi salatu wasalam, qui rendait la majesté qui sied au prophète alayhi salatu wasalam, à la personne du prophète alayhi salatu wasalam. Et qui mettait le prophète alayhi salatu wasalam à la place qui lui est due, place de serviteur et messager d'Allah Azza wa Jal. Il faisait la prière sur le prophète alayhi salatu wasalam. Il n'y a qu'à voir son résumé sur la biographie du prophète alayhi salatu wasalam. Et Cheikh Rahmatullah alayhi, dans une lettre qu'il a écrite à l'un des savants de l'Irak, en réponse à ces mensonges qu'on lui a collés, il dit: extraordinaire, comment ça peut rentrer dans la raison de quelqu'un qui est doué de raison? Est-ce que ça, un musulman peut le dire, ou un kafir, ou un al, ou celui qui connaît, ou là c'est un déraisonné qu'il dit? Et en répondant à ceux qui disent que le Mohammed ibn Abdullah n'aimait pas le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ou détestait le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. ومما كتبه ابن الشيخ عبد الله ذاكرا هذه المفتريات ثم معقبا عليها ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق معنا علما علم قطعا أن جميع ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين تنفيرا للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك. ثم قال: والذي نعتقد أن مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المخلوق على الإطلاق، وأنه حي في قبر حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل، إذ هو أفضل منهم بلا ريب، وأنه يسمع سلام المسلم عليه. Et son fils, le fils de Cheikh Mohammed ibn Abdullah, décrit son fils Abdullah, rahmatullah alayhim jami'an, dit: pour un petit peu, on réplique à ces mensonges qu'on a mis sur son père. Et celui qui regarde notre situation et qui est venu à nous assises, il va voir et il va se rendre compte que tout ça c'est un mensonge. Que ça ce sont des mensonges que l'ennemi de la religion et les frères d'Al-Shayatin collent à notre dos et à notre da'wa pour éloigner les gens et pour que les gens ne se soumettent pas ne nous soumettent pas à la sincérité dans l'unicité pour Allah Azza wa Jal, ne se soumettent pas à Allah Azza wa Jal dans l'unicité, et que les gens ne réservent pas leur culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et que les gens ne délaissent pas toute forme d'associationnisme. Et il a dit après, est-ce que nous croyons en le degré de notre prophète alayhi salatu salam, c'est qu'il a les plus hauts degrés parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal au sens large du terme, et qu'il est vivant dans sa tombe une vie barzakhia, une vie, le barzakh c'est le monde intermédiaire qui est entre ce monde et le-delà, donc une vie dans le barzakh qui est plus énorme et plus élevée que la vie du martyr qui nous a été annoncée dans la révélation, car il n'y a aucun doute que le prophète alayhi salatu salam est mieux que tous les martyrs, et que le prophète alayhi salatu salam entend le salut de ceux qui le salue. Ça, c'est les croyances de Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, ainsi que ses enfants et ses disciples au niveau du prophète alayhi salatu salam. Et c'est ce qui est la croyance des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. ويقول وتسن زيارته إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس ومن أنفق أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدة عنه فقد فاز بسعادة الدارين هذه عقيدة الشيخ وأتباعه في محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وكل من يقول غير ذلك فهو كاذب مفتري وسي إلي دولا سنة de le visiter, mais tout simplement on prend son pactage pour la visite de la mosquée et de prier dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam, et non pas pour la tombe. Et celui qui a cette intention d'aller à la mosquée, de visiter la mosquée du prophète alayhi salatu salam et prier dans cette mosquée en même temps de visiter, de passer devant la tombe du prophète alayhi salatu salam, il n'y a aucun mal. Et celui qui mit beaucoup de temps à prier sur le prophète alayhi salatu salam, comme il nous l'a enseigné le prophète alayhi salatu salam, celui il a eu un grand gain. Et il a eu le bonheur des deux maisons, la maison, dans ce bas monde et dans le delà. Et ça, c'est le dogme du Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullahi alayhi, ainsi que ses disciples vis-à-vis de Mohammed alayhi salatu salam, qui est la plus noble des créatures d'Allah Azza wa Jal, qui est le plus noble enfant d'Adam. Et tous ceux qui disent autre chose que ça, ce sont des mentors sur Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab et sur ses disciples et sur sa da'wa. Min al-firiyati min al-kadib kadalik ala al-shaykh anna al-shaykh yankuru karamat al-awliya. ومن الافتراءات التي ألصقت بالشيخ محمد بن بلاب أنه ينكر كرامة الأولياء. إن الشيخ رحمة الله عليه لا ينكر كرامة الأولياء كما زعموا، بل يثبت هذه الكرامات بشرط أن يكون وليا حقيقيا صحيحا. والولي هو المتبع للكتاب والسنة، مبتعدا عن البدع والخرافات. والشرط الثاني أن كرامة الأولياء هي في حياتهم وليس بعد مماتهم، وأن الميت يحتاج بعد موته إلى دعاء الأحياء وليس العكس. وهذه العقيدة في الأولياء هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يخالفهم الشيخ في ذلك. Aussi, le deuxième mensonge qu'on colle au dos de Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, c'est qu'il ne reconnaît pas ces choses extraordinaires avec lesquelles Allah comble ses alliés. L'Awliya. Et ça, c'est un mensonge qu'on a accolé à Cheikh. Cheikh Rahmatullah Alayh reconnaît les choses extraordinaires avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala comble ses alliés, l'Awliya. Mais à une condition, que la personne soit un allié véridique. Et l'allié véridique, c'est celui qui suit les livres et la sunna, et l'authentique de la sunna, celui qui est loin des innovations et des histoires à dormir debout. Et la deuxième condition, c'est que ces choses extraordinaires se passent dans la vie de ses alliés, non pas après leur mort. Et que le mort, après sa mort, il a besoin qu'on lui fasse dua, et non pas le contraire, et non pas qu'on lui demande quelque chose. Et ça, c'est le dogme d'El Cheikh au niveau d'El Aulia. Et ça, c'est le même dogme qu'avait nos puiseurs d'Allah Alem au niveau d'El Aulia. Et Cheikh n'est pas en divergence avec eux. ويقول الشيخ محمد بن عبد رحمه الله عليه في احد كتبه في اثبات كرامه الاولياء واقر بكرامات الاولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. الشيخ دو دير dans un de ses livres pour confirmer comme quoi il reconnaît les choses extraordinaires avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala comble l'aulia, et je confirme karamat l'aulia. Mais ils ne méritent rien du droit d'Allah Azza wa Jal. Et on leur demande rien de ce que ne peut faire qu'Allah Azza wa Jal. ويقول أيضا والواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا يجحد كرامة الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالين وحق بين باطلين ويؤكد أتباع الدعوة أتباع هذه الدعوة من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الاعتقاد ويقرونه الشيخ دودير il est obligatoire qu'on les aime et qu'on les suive, et qu'on confirme leurs choses extraordinaires avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il les a blâmés. Il ne reconnaît ces choses extraordinaires avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il les a comblés que les gens de l'innovation et de l'égarement. Et la religion d'Allah azza wa jal est un juste milieu entre deux extrêmes, entre la guidée et l'égarement, entre la vérité et le faux. Et les disciples d'Yel Sheikh Mohammed ibn Abdelhab, rahmatullahi alayh, confirment ce dogme vis-à-vis ديال الأولياء إلى كرامة الأولياء. يقول أحد أتباع الشيخ رحمة الله عليه وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكرامتهم لا دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تعالى أو ليدفعوا عنهم سوءا لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل فإن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدس هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين كظهور اتباع سنة وعمل بتقوى في جميع أحواله وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أثار سبحته ووسع كمه وأسبل إزاره ومد يده للتقبيل ولبس شكلا مخصوصا وجمع الطبول والبيارق وأكل أموال عباد الله ظلما وادعاء ورغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام شرعه. Et certains des disciples d'El Cheikh Mohammed ibn Abdullah, rahmatullah, de dire, et le droit des alliés d'Allah, azzawajal, c'est de les aimer, et de leur faire dua, et de croire en les choses extraordinaires avec lesquelles Allah, subhanahu wa ta'ala, les a comblés. Non pas de leur demander des choses, non pas leur demander de nous ramener un bien, non pas de leur demander des choses que ne peut donner qu'Allah Azzawajal, ou là de leur demander de nous pousser, de pousser le mal de nous, etc. Parce que toutes ces choses-là sont à Allah Azzawajal. Et c'est une adoration qui doit être réservée à Allah Azzawajal. Et si le wilaya, il est véridique pour quelqu'un, ou on l'espère pour telle personne, parce qu'il met en application la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il préserve les droits d'Allah Azza wa Jal dans toutes ces situations. Hein? C'est ça le wali, c'est celui qui suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et qui préserve les droits d'Allah Azza wa Jal dans cette situation. Sinon, le wali à notre époque est devenu celui qui a une grande subha, un grand chapelet, et qui dans son vêtement est un vêtement, la manche de son vêtement est très large, et il traîne son vêtement par terre, et il tend sa main pour que l'embrasse, et il met un tissu particulier, et il réunit autour de lui les tambourins et les clarinettes pour faire de la musique, et il mange l'argent des gens par injustice et par prétention. Et il se détourne de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et de ses lois, et il détourne les gens de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et de ses lois. ويقول الشيخ ويقول ابن الشيخ رحمة الله عليه واسمه عبد الله ولا ننكر كرامات الأولياء ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم مهما صاروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية إلا أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة لا حال الحياة ولا بعد الممات بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته بل ومن كل مسلم. Le fils de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, Abdullah, rahmatullah alayhi, dit, nous reconnaissons. Ne rejetons pas les choses extraordinaires avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala comble ses alliés. Et nous reconnaissons leurs droits. Et nous reconnaissons qu'ils sont sur la guidée de leur Seigneur tant qu'ils marchent sur la voie légiférée et sur les lois énoncées dans le livre et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Seulement, ils ne méritent pas quelque chose, ils ne méritent pas qu'on leur voue un acte d'adoration. que ce soit durant leur vie ou là après leur mort. Mais on leur demande de ne faire dua quand ils sont vivants. Et on demande dua de tout musulman. هذه نصوص كلام الشيخ وأتباعه تثبت أن الشيخ يقر بكرامة الأولياء ولا ينكرها ولكنه رحمه الله ينكر الاستغاثة بهم وطلب الحاجة منهم وصرف العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ولم يخالفهم الشيخ في ذلك. Et donc ce sont des textes de la parole du Cheikh et de ses élèves et de ses enfants qui confirment que Cheikh reconnaît les bienfaits avec lesquels Allah, c'est les choses extraordinaires avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala comble l'awliya. Il ne les rejette pas. Mais, rahmatullahi alayh, ce qu'il ne reconnaît pas, c'est le fait de demander secours à ces awliya. C'est le fait d'aller voir ces awliya pour qu'ils fassent des choses pour nous et de leur réserver une forme de culte en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est les croyances des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et Cheikh n'était pas en divergence avec eux. الفرية الثالثة من أشد الشبهات التي أثيرت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه شبهة تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وجواز قتالهم. Parmi les grandes ambiguïtés qu'on a propagées sur la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayh, c'est qu'il rend mécréants les musulmans et qu'il rend licite le sang des musulmans et qu'il dit comme quoi il est permis d'utiliser les musulmans. Et ça, c'est la plus grande des ambiguïtés, le plus grand mensonge qu'on a émis sur Cheikh rahmatullah alayh. لقد بلغت هذه الفرية الخاطئة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فتعددت ردوده وأجوبته عليها لأن فرية تكفير المسلمين واستحباح دمائهم قد شاعت وذاعت في غالب بلاد المسلمين وانتشرت انتشار النار في الهشيم فقد حرص الشيخ رحمه الله على تأكيد هذه الردود وإعلان براءته مما ألحق به فأرسل هذه الردود إلى مختلف البلاد. Et ce mensonge est arrivé aux yeux de aux oreilles de l'imam Mohammed ibn Abdullah, rahmatullah alayh. Et ses répliques ont été nombreuses, et ses réponses à ça ont été nombreuses. C'est par toutes ses forces de répliquer à ce mensonge qui est le fait de rendre mécréants les musulmans et de rendre licite le sang des musulmans. Parce que ce mensonge a été propagé à travers le monde musulman. Comme le feu se propage dans la paille. Et Cheikh s'est acharné pour confirmer et pour répliquer avec toutes ses forces, et pour dire haut et très fort qu'il est innocent de cet mensonge qu'on lui attribue et à travers le monde de musulmans. فقال في إحدى رسائله وأما ما ذكره الأعداء عن أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. الذي dans certains de ces lettres, ce que annonce, ce qui évoque les ennemis comme quoi je rends mécréant par simple supposition quelqu'un et parce qu'il n'est pas mon allié, ou que je rends mécréant les ignorants à qui on n'a pas accompli la preuve, ceci est un énorme mensonge. Ils veulent tout simplement par ce mensonge d'éloigner les gens de la religion d'Allah, Azzawajal, de les éloigner de la religion du prophète محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول في رسالة أخرى ردا على بعض المفترين وكذلك تمويهه على الضغام بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعة كافر نقول سبحانك هذا بهتان عظيم بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. Et il dit aussi dans une autre lettre où il réplique aussi à un certain qui ont émis des mensonges sur lui. Il dit, parce que certains ont émis sur Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme quoi celui qui ne rentre pas sous son obéissance, c'est un mécréant. Il dit, gloire à Allah, ceci est un énorme mensonge. Je prends comme témoin Allah, qui sait ce qu'il y a dans mon cœur, que tout un chacun qui met en application l'unicité, qui désavoue l'associationnisme et les gens de l'associationnisme et les musulmans, à n'importe quelle époque et là où ils soient. Et dans n'importe quel lieu. Mais nous rendons mécréants celui qui est associé à Allah Azza wa Jal dans son adoration. Après que la preuve s'est accomplie contre lui. Comme quoi, hein? Après que la preuve s'est accomplie. Après l'accomplissement de la preuve. يقول أحد تلامذة الشيخ رحمة الله عليه والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى إن لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور وغيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها. Et aussi certains de ses élèves de nous dire, rahmatullahi alayh, Cheikh Mohammed rahmatullahi alayh, était un des gens qui s'arrêtait et qui ne prononçait pas le mot mécréant ou la mécréance. Hein? Et il s'est même arrêté. Il n'a même pas énoncé la mécréance contre un ignorant qui adore autre qu'Allah, Azza wa Jal, parmi qui adore les tombes ou autres, s'il n'y a personne pour le conseiller ici-là. La preuve ne lui est pas arrivée. Ils ne le rendent pas mécréant. Regardez. Hein? Prouve que dans ce passage, Cheikh voit que l'ignorance, c'est une barrière pour que la personne qu'on ne décrète pas que telle personne était mécréant. Regardez cette abstinence qu'avait Cheikh Rahmatullah Alayh. Il n'osait même pas dire d'un ignorant à qui la preuve n'est pas arrivée que c'est un mécréant. ويقول أيضا في مكان آخر عن معتقد الشيخ في مسألة التكفير فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهيات. Et dans un autre endroit, c'est un nous parle du croyance d'Al-Sheikh dans Qadiyat Tkfir, hein, fait de rendre quelqu'un mécréant. Il dit, Sheikh ne rend pas mécréant qu'avec les choses sur lesquelles les musulmans sont unanimes. Les choses sur lesquelles, comme le fait, le grand associationnisme, comme le fait de mécroire en les signes d'Allah et en les signes de son messager, alayhi salatu wassalam. Ou, mais tout ceci après l'accomplissement de la preuve et après que la preuve est arrivée à la personne. Hein? Comme le fait de rendre mécréant celui qui adore les vertueux et qui leur demande des choses en dehors de l'Allah et qui les prend comme des équivalents dans les choses qu'ils ne peuvent faire qui sont dues à Allah, mais tout ceci avec l'accomplissement de la preuve. ويقول أيضا كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعلم أنه من أعظم الناس إجلالا للعلم والعلماء ومن أشد الناس نهيا عن تكفيرهم وتنقيصهم وأذيتهم بل هو ممن يدينون بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم والأمر بسلوك سبيلهم. Et il dit dans un autre droit, l'un de ses élèves, et tous ceux qui sont doués de raison connaît de la biographie de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahmatullah alayh, qui est la personne qui respecte le plus la science et les hommes de science, et qu'il est parmi les personnes qui interdisent le fait de rendre mécréants les savants, ou de les dénigrer, ou de leur faire du mal. Hein? Sa religion, c'est de respecter les hommes de science, et de les honorer, et de les défendre, et de prendre leur chemin, et d'ordonner de prendre leur chemin. والشيخ رحمه الله لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأجمعت الأمة على كفره كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين. الشيخ رحمه الله عليه n'a jamais rendu quelqu'un mécréant sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala fait mécréant et son messager alayhi salatu wassalam, et ceux dont le consensus de la communauté est unanime sur leur mécréance, comme celui qui prend comme divinité, comme adoré quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal, ou qui fait des équivalents à Allah Azza wa Jal. هذه بعض النقول عن الشيخ وأتباعه في مسألة تكفير المسلمين ويظهر من هذه النقول جلية براءة الشيخ وكذا أتباعه وأنصار دعوته من مفتريات وأكاذيب الخصوم في مسألة التكفير ومن طالع كتبهم وقرأ رسائلهم تبين له صحة معتقدهم وسلامة فهمهم لمسألة التكفير وأن اعتقادهم فيها هو عين اعتقاد السلف رضوان الله عليهم. Sont quelques textes de Cheikh et de ses disciples en ce qui concerne Tkfir al-Muslimin. Et ce qui est apparent dans ces textes, qui sont clairs, que Cheikh, il est innocent, ainsi que ses disciples, et ceux qui ont donné l'alliance à sa da'wah, de ces mensonges qu'on leur attribue comme quoi Hein? Ils rendent mécréants les musulmans comme ça. Et celui qui lit leur livre et qui se penche sur lire, il lui apparaît clairement la sainteté. Il lui apparaît clairement la clarté dans leur croyance à ce sujet-là et leur compréhension authentique du sujet du Tkfir et que leur croyance au niveau de ce sujet-là était les croyances du Salaf radhiyallahu anhu dans tous les domaines, dans Tkfir, dans Karamat al-Awliya, etc. etc. فالشيخ رحمة الله عليه بعد حياة مليئة بالعلم والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى توفي رحمه الله في بلدة الدرعية سنة 1206 للهجرة نسأل الله له الرحمة والرضوان ونجمعنا وإياه في غرف الجنان برحمة ربنا العظيم إيه الشيخ رحمة الله عليه après une grande vie de science une grande vie pleine de combats et d'appel vers Allah عز وجل il est mort à الدرعية en l'an 1206 de l'Hijr et que Allah سبحانه وتعالى l'agré Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réunisse avec lui dans le paradis. Et celui qui veut encore des choses importantes en ce qui concerne Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab et ses écrits, etc., qu'il se penche sur le livre d'Yal. Le livre sur la vie d'Yal Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab, son dogme et sa da'wa qui est écrit par. Cheikh Ahmed ibn Hajar al-Abu Tamim, rahmatullahi al-Jami', et un autre livre qui est écrit par Cheikh Abdelaziz al-Abdelatif, rahmatullahi al-Jami'. Wa, Inch'Allah, ghadan Inch'Allah, nabtadi, fi al-Shubuhat al-Lati utirat fi Shamal Ifriqiya an hadi da'wat al-Mubarakati, da'wat al-Kitabi wa al-Sunna, bi fahmi salafi hadi al-Umma, wa al-Lati luqibat bil-Wahhabiya. نسأل الله سبحانه وتعالى لنكم التبات نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا